Première partie, chapitre 13e de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Première partie, chapitre 13e. Méditation de la mort. Préparation. Premièrement, mettez-vous en la présence de Dieu. Deuxièmement, demandez-lui sa grâce. Troisièmement, imaginez que vous êtes dans l'état d'un malade au lit de mort et sans aucune espérance de vie. Considération. Premièrement, considère, ô mon âme, l'incertitude du jour de la mort. Tu sortiras un jour de ce corps, quand sera-ce? Sera-ce l'hiver ou l'été? Sera-ce dans une autre saison, à la campagne ou dans la ville? La nuit ou le jour? Sera-ce d'une manière toute subite ou avec quelque préparation? Sera-ce par quelque accident violent ou dans une maladie? Le temps où le prêtre ne manquera-t-il point pour la confession? Tout cela nous est inconnu et nous ne savons rien sinon que nous mourrons indubitablement et toujours plus tôt que nous ne pensons. Deuxièmement, mettez-vous bien dans l'esprit qu'à votre égard la fin du monde sera venue. Non, il n'y aura plus de monde pour vous, et vous le verrez périr à vos yeux, car alors plaisir, vanité, richesse, honneur, vaines amitiés, tout cela ne vous apparaîtra que comme un fantôme qui se dérobera à votre vue. Ah, direz-vous, pour quelle bagatelle et pour quelle chimère ai-je offensé mon Dieu, c'est-à-dire perdu tout pour rien? Au contraire, dévotion, pénitence, bonnes œuvres, tout cela vous paraîtra grand, doux et aimable. Et vous dites, et pourquoi n'ai-je pas marché par cette heureuse voie? Alors vos péchés, que vous ne regardiez que comme des atomes, vous paraîtront comme des montagnes, et tout ce que vous pensiez avoir de grand en dévotion vous paraîtra réduit à bien peu de choses. Troisièmement, méditez ce languissant et grand adieu que votre âme dira à ce monde, aux richesses et aux vanités, à vos amis, à vos parents, à vos enfants, à un mari, à une femme, à son corps même qu'elle abandonnera desséché, hideux à voir, et tout corrompu par l'altération des humeurs. Quatrièmement, représentez-vous bien l'empressement que l'on aura à enlever ce misérable corps pour le jeter dans la terre. Et considérez qu'après cette lugubre cérémonie, l'on ne pensera plus guère à vous, ou même point du tout, comme vous n'avez plus pensé aux autres. Dieu lui fasse miséricorde, dira-t-on, et voilà tout fini dans le monde pour vous. Ô mort, que tu es impitoyable, tu n'épargnes personne. Cinquièmement, découvrez, si vous le pouvez, quel chemin prendra votre âme en sortant de votre corps. Hélas, de quel côté tournera-t-elle? Quelle sera la voie par laquelle elle entrera dans l'éternité? Celle-là même qu'elle aura prise dès cette vie. Affection et résolution. Premièrement, faites votre prière au Père des miséricordes et vous jetez entre ses bras. Ah, prenez-moi, Seigneur, en votre protection en cet effroyable jour. Attachez toute votre bonté pour moi à cette dernière heure de ma vie, pour la rendre heureuse, et que plutôt les autres me deviennent tristes et affligeantes. Deuxièmement, méprisez le monde. Puisque je ne sais pas l'heure qu'il faudra te quitter, ô monde, qui n'a rien de sûr, je ne veux plus m'attacher à toi. Ô mes chers amis, permettez-moi de ne vous plus aimer que d'une amitié sainte et qui puisse durer éternellement. Car pourquoi nous unir d'une manière de liaison qu'il faut absolument rompre? Je veux donc me préparer à cette dernière heure, bien assurer l'état de ma conscience, mettre ordre à telle et telle chose, et me bien précautionner sur ce qui me sera nécessaire pour faire heureusement mon passage. Conclusion. Remerciez Dieu de ces bonnes résolutions qu'il vous a fait prendre, et les offrez à sa divine majesté. Suppliez-le par les mérites de la mort de son Fils, qu'il vous prépare à une bonne mort. Implorez la protection de la Vierge et des saints, etc. Pater, Ave. Fin du chapitre 13e. Première partie.